我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。我会变魔术，女儿说我总能变出一个个袋子，把她旅游时吃的零食果皮统统装下。我还是个篮球运动员，总能把用完的矿泉水瓶准确地投入垃圾箱。你问我是谁？我只是个普通的游客。 每一位游客都是文明的使者，文明出游从你我做起。 用年轻的心演绎古典，古典中的流行 Pops 音乐。北京音乐广播古典音乐有限频道，调频98.6兆赫，每天3点15点播出。 欢迎收听 Pops 音乐，我是古月。 今天首先带来的是曾于2004年风靡全球并获得奥斯卡最佳原创音乐奖提名的电影《放牛班春天》中的原声音乐，由布鲁诺·库列斯作曲指挥，担任合唱的是法国里昂圣马可儿童合唱团。 Thank you. explique-moi. J'ai rien à vous dire. Attends, j'ai pas fini. Tu vas pas t'en tirer comme ça. Tout se paye ici. Demande à Pépinot. Le problème m'orange, c'est que tu fais des choses qui ne te ressemblent pas. Faire le mur, te bagarrer, jouer les voyous, détruire les autres, mais pas moi. Je rentrerai pas dans ton petit jeu. Alors à partir de demain, participation obligatoire à la chorale. Les cours de musique, tous les jours. Ils ont des chapeaux ronds, vivre les Bretons. Soprano, à gauche. Leclerc. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Oui, c'est presque juste. Alto à gauche. De l'air. 3 kilomètres à pied, ça use, ça use. 3 kilomètres à pied, ça use et souillé. Oui, vous recommencez là. 4 kilomètres à pied, ça use, ça use. 4 kilomètres à pied, ça use et souillé. C'est bien ce que je pensais. Basse, à droite. Ricœur. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. Oui, t'as interdit de fumer, hein. Alto, à gauche. Ilouze. L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais, jamais connu de loi. Soprano, évidemment, à gauche. Bien, Pépino. Je connais pas de chanson. C'est pas grave, je vais t'en apprendre. Bon, en attendant, je te nomme assistant chef de chœur. Boniface. Maréchal, nous voilà. Qu'est-ce qui t'a appris ça, toi? C'est mon grand-père. T'es un peu démodé. Bon, à gauche. Clément. Aux armes, citoyens, tête de chien, formez vos bataillons, bande de couillons. À la droite. Les monos, c'est de la racaille. Ça fume, ça boit, pour tout ce que ça travaille. Bon, à gauche. Coucou hibou, coucou hibou, coucou hibou, coucou. Coucou hibou, coucou hibou, coucou hibou, coucou. Très bien, alto. 用年轻的心演绎古典，古典中的流行 ，Pops 音乐。 Alas, my love, 北京音乐广播，古典音乐有限频道，调频98.6兆赫，每天3点、15点播出。 And I have loved you so long, my love, my lady Greensleeves. 欢迎收听 Pops 音乐，我是古月。接下来请欣赏1987年维也纳新年音乐会现场录音，由卡拉扬指挥维也纳爱乐演奏。 Thank you. Thank you. Thank you.